les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. On le sait, Frank Zappa aura aussi bien donné dans le rock et le jazz au premier degré que dans l'humour, la satire et le grand guignol musical, mais donné aussi dans une musique des plus savantes, qu'elle soit de la veine classique ou franchement contemporaine. C'est ainsi qu'en janvier 1984, on retrouvait l'une des œuvres savantes de Zappa, The Perfect Stranger, au programme d'un concert que donnait au Théâtre de la Ville, autour de la musique américaine, l'ensemble intercontemporain de Pierre Boulez. Un concert dont se faisait l'écho sur France Culture, l'émission instantanée présentée par Brigitte Delannoy, qui diffusait des extraits de la conférence de presse où Zappa et Boulez présentaient conjointement ce concert. Nous retrouvons donc Frank Zappa et Pierre Boulez à la même tribune en 1984. Vous ne pouvez pas vous tromper, Zappa c'est celui qui a les moustaches et la mouche. Instantané, Pierre Boulez et Frank Zappa, une émission diffusée la première fois le 9 janvier 1984 sur France Culture. Les compositeurs contemporains sont toujours condamnés à l'impopularité malgré leur auditoire fidèle mais trop restreint et les chanteurs de rock, de pop et de variété restent voués à la jungle du show business. Depuis 2 ans, la direction de la musique, consciente de cette rupture néfaste et dangereuse entre 2 mondes musicaux, tente de rétablir les équilibres et de réhabiliter tous les genres musicaux en abolissant les frontières et les hiérarchies. Cela ne suffit sans doute pas à changer les mentalités particulièrement cloisonnées dans la société française. L'esprit des 60s est mort, mais l'effort est louable et c'est évident que c'est une amorce de décloisonnement. D'ailleurs, geste symbolique, cette semaine, jeudi, le président de la République va inaugurer la nouvelle salle de spectacle de la Villette, la salle Zénith, où vont se retrouver les chanteurs de variété, de rock et de pop. En mai 1983, dans un article, Pierre Boulez critiquait l'œcuménisme préconisé par la direction de la musique. Je le cite, « Le pluralisme, il n'y a rien de tel comme remède à l'incompréhension. Aimez donc chacun dans votre coin et vous vous aimerez les uns les autres. Soyez libéraux, soyez généreux pour les goûts d'autrui, il y aura parité pour les vôtres. Tout est bien, rien n'est mal. Il n'y a pas de valeur, mais il y a le plaisir. » Ce discours, si libérateur qu'il se veuille, renforce au contraire les ghettos, réconforte la bonne conscience de se trouver dans un ghetto, surtout si de temps en temps on va explorer en voyeur le ghetto des autres. L'économie est là pour nous le rappeler, au cas où nous nous perdrions dans cette utopie fadasse. Il y a des musiques qui rapportent et qui existent pour le profit commercial. Il y a des musiques qui coûtent, dont le projet même n'a rien à voir avec le profit. Aucun libéralisme n'effacera cette différence. Ainsi donc, Pierre Boulez critiquait la politique de la direction de la musique en direction du pluralisme en mai 83. Aujourd'hui, il semble donc acquis aux thèses de la direction de la musique. Avant de diriger ce soir le concert américain qui inclut des œuvres de Charles Ives, Carl Ruggles et Elliot Carter avec celle de Frank Zappa, il a tenu mercredi une conférence de presse, très fréquentée d'ailleurs, avec le chanteur rock. Il présente le programme, vous allez l'entendre dans quelques secondes. Ce programme, c'est « Three Places in New England » de Charles Ives, « Vox, Clamence y Deserto », création française de Carl Ruggles, et puis 3 créations de Frank Zappa, donc « The Perfect Stranger », qui est une commande de l'ensemble intercontemporain que Pierre Boulez va diriger ce soir pour ce concert, « Naval Aviation in Art », création mondiale, et « The Priest Paradise », création mondiale. 3 œuvres de Frank Zappa, et pour terminer, une œuvre d'Eliot Carter, « Mirror on Which to Dwell », par l'ensemble intercontemporain dirigé par Pierre Boulez, que nous entendons tout de suite au cours de la conférence de presse qu'il a donc donnée mercredi dernier avec Frank Zappa. Le programme est un programme américain qui fait appel à différentes générations. Nous avons voulu éviter ce qui aurait été très facile à faire, si vous voulez, le coup de publicité simplement sur les activités de l'ensemble qui invite un outsider par rapport au monde de la musique normale auquel nous participons en général. Ce n'est pas du tout notre intention parce que je crois qu'il faut prendre beaucoup plus au sérieux ce programme. Il est construit de façon à avoir deux pionniers américains qui ne sont pas du tout des pionniers comme les pionniers européens, en ce sens qu'ils sont beaucoup plus libérés par rapport à leur éducation et quelquefois ils sont beaucoup plus libres par rapport à leurs antécédents. Et c'est pour ça que Ives fait partie de ce programme, pour faire voir justement combien il a été indépendant par rapport aux forces de son temps et combien il a aimé aussi les objets trouvés, combien tout son espèce de folklore, j'entends au sens, non pas péjoratif, mais au sens intéressant du mot, combien tout ce folklore qui était autour de lui, de son enfance, tous ses souvenirs d'enfance, ont été intégrés comme des collages pratiquement et comme des objets trouvés à l'intérieur de son œuvre. C'est ça qui est intéressant et c'est tout un background américain qui est très passionnant à suivre. Et puis il y a un autre compositeur américain, alors ça je crois que À mon souvenir, je n'ai jamais vu une œuvre jouée dans un seul programme. C'est une œuvre très courte parce qu'il a écrit toujours des œuvres un peu excentriques. Je veux dire excentriques en sens qu'il a écrit pour 7 trompettes ou bien pour un ensemble de violons qui se monte à 16 violons ou 18 violons. C'est très possible de faire avec, encore les 7 trompettes, c'est pas toujours facile de faire, mais avec un orchestre, 16 violons c'est plus facile déjà. Mais nous avons choisi une des œuvres qui est possible pour nous puisque nous avons un effectif limité et c'est une œuvre pour voix et petit ensemble instrumental, dont un piano. C'est un compositeur qui fait partie de cette génération, justement, comme Ives, de la Nouvelle-Angleterre. C'est la Nouvelle-Angleterre aux États-Unis, ça a été une pépinière de gens. Maintenant, c'est plutôt la Californie, il faut dire, quand j'en arriverai à Franck, j'en parlerai. Mais à l'époque, c'est-à-dire à la fin du 19e siècle, la Nouvelle-Angleterre a été une pépinière d'invention, non seulement du reste dans la musique, mais dans la littérature en particulier. Chacun connaît les auteurs qui ont fait partie du paysage de la Nouvelle-Angleterre, qui sont du reste légèrement antérieurs. Comme toujours, à la musique. Donc Karl Regel, c'est un homme qui est mort il n'y a pas tellement longtemps. Il a survécu à tout le monde. Il a vécu jusqu'à l'âge de 95 ans, je ne sais pas quel âge. Et il a un très petit, comment dire, output. C'est-à-dire qu'il a écrit très peu, finalement. Et c'est une des œuvres que nous jouons. Elle est très courte, d'ailleurs. Elle a aussi ses 3 courtes mélodies pour voix et un petit ensemble. Ça fait partie des morts, si je peux dire. Alors, il y a les vivants. Et les deux vivants, je crois que c'est les deux extrêmes. On ne peut pas trouver deux tempéraments plus extrêmes et deux personnalités plus extrêmes représentatives de ce qui se passe aux États-Unis actuellement. Vous savez, aux États-Unis, il y a beaucoup de musiciens d'université, parce que l'université, ça nourrit ces musiciens, et il y a beaucoup de musiciens donc, qui vivent en symbiose avec l'université et qui travaillent dans ce milieu universitaire. Ça fait la grande masse, si vous voulez, des compositeurs américains. Et puis alors, il y a des outsiders par défaut ou par excès, je dirais. Alors, je dirais que par excès, c'est le cas de Carter, ou vraiment quelqu'un qui a réfléchi énormément à la musique actuelle, et pour moi, dont la trajectoire est vraiment très remarquable, parce qu'il est parti d'une espèce de tradition Nadia Boulanger, c'est-à-dire néoclassicisme Stravinsky de l'entre-deux-guerres, et puis il a réfléchi tout seul, et ce qui est très extraordinaire pour moi, c'est justement le point où il a mené son langage. Et c'est un homme qui est de l'âge de Messiaen, exactement. Il est né en 1908, donc il a eu 75 ans en décembre dernier. Et c'est un peu pour fêter son 75e anniversaire aussi que nous l'avons inscrit à ce programme. Et à l'autre extrême, il y a aussi la marginalité par rapport à ce monde, justement, à ce monde académique, à ce monde établi, et qui est représenté par Franck Zappa, qui est à côté de nous, là, qui est à côté de moi, et qui va vous parler lui-même de son œuvre. Je n'ai pas besoin d'en parler moi-même. Ce qui m'a séduit, justement, c'est que quelqu'un qui a eu des expériences musicales qui sont tout à fait étrangères à moi, ce que j'ai pu faire, mais qu'il y ait eu un professionnalisme tel et qu'il y ait un désir justement de faire participer toute cette expérience qu'il a eue dans un autre monde, de le faire passer maintenant dans un monde qui est le monde qui est plus écrit, je dirais le monde de l'écriture, dans une pratique qui est plus gestuelle qu'autre chose. Il a fait passer justement cette pratique gestuelle à une pratique écrite. Et ce qui est intéressant, justement, c'est de faire rencontrer ces deux mondes, non pas sur un plan simplement de l'anecdote, mais sur un plan du professionnalisme, sur un plan de l'expérience telle qu'elle a été, qu'elle peut se résumer maintenant dans des œuvres écrites. Vous entendez là une œuvre de Karl Ruggles, Men and Mountains, les hommes et les montagnes. Karl Rogels, qui est au programme de l'ensemble intercontemporain ce soir. Toujours à la conférence de presse animée par Pierre Boulez, Jacques Longchamp, critique musicale du Monde, a posé une question à Frank Zappa, bien sûr. Il lui a demandé s'il y avait longtemps qu'il composait pour la musique dite classique. I started writing chamber music when I was 14, and I didn't write any rock and roll music until I was 20, so I've been doing this longer than rock and roll. Il a commencé à écrire de la musique classique à l'âge de 14 ans, et il a commencé à se lancer dans le rock qu'à l'âge de 20 ans. Donc l'écriture normale, traditionnelle, a été la sienne depuis le départ. So it's not a hobby. Alors ce n'est pas un passe-temps. I have a large collection of works, many of which have not yet been performed. I've written pieces for large orchestra, four ballets. I'm working on a piano concerto now with a computer. Il travaille, il a écrit de façon classique depuis toujours et sans interruption. Il a écrit de nombreuses partitions pour des orchestres symphoniques de type traditionnel, pour le ballet. Il écrit actuellement un concerto pour piano avec une partie réalisée par ordinateur. Et il a de très nombreuses partitions qui n'ont jamais été jouées. The ballets, three of them will be given a premiere in San Francisco in May with Kent Nagano conducting the Berkeley Symphony and the Oakland Ballet. That's in May. Trois de ces ballets seront donnés en mai à San Francisco avec l'orchestre de San Francisco dirigé par Kent Nagano, que vous avez entendu peut-être dans le Messian, et la compagnie de danse qui assurera l'exécution, c'est le Oakland Ballet. Un autre journaliste a posé une question à Pierre Boulez. Il lui a demandé s'il y aurait pour lui des problèmes pour la direction des œuvres de Frank Zappa. Non, je ne pense pas que ça m'ait demandé de me poser des problèmes de direction du tout. Les problèmes de direction sont des problèmes de direction tout à fait classiques, je dirais. Il y a pas de, simplement, il faut être très souple et réagir d'une façon rapide. Je crois que ce qu'il y a de plus important dans ce que je peux en juger, en tout cas dans le style instrumental, c'est l'accentuation qui n'est pas du tout la même que les accentuations de le phrasé, qui n'est pas du tout la même que les phrasés de musiciens classiques. C'est-à-dire que les phrasés sont plus démonstratifs, je dirais. C'est-à-dire que toute l'accentuation, je crois qu'il y a une conjonction à ce moment-là de l'accent de l'instrument et du phrasé, l'accent instantané. Et que l'accent, si on le fait bien, réalise le phrasé. C'est ce qui est important. Et c'est ce que nos musiciens, du reste, je dirais, ou certains d'entre eux, en tout cas, ont le plus de mal à faire. C'est-à-dire de ceux qui n'ont pas d'expérience de jazz en particulier, ni de rock encore moins, sont ceux qui sont le moins souples dans ce genre de choses, parce que dans une des pièces en particulier, ce qui est difficile, c'est qu'il y a un certain rubato écrit. C'est-à-dire, au lieu d'avoir un rubato qui est laissé à l'initiative de l'exécutant, comme il y a beaucoup d'unissons, c'est-à-dire qu'il y a par exemple 5 ou 6 musiciens qui jouent ensemble la même phrase, donc il faut qu'ils aient la même notion de rubato. Il l'a écrit, c'est-à-dire qu'il a écrit par exemple des groupes de 11 pour 8, des groupes de 5 pour 6, etc., etc., et qui se succèdent comme ça très rapidement. Et ce qui est important, c'est de ressentir cette division comme phrasée par rapport, et ça c'est différent aussi, par rapport à un tempo de base qui pratiquement ne change pas. Alors, c'est probablement ça qui présente une difficulté, mais il n'y a pas de difficulté majeure, je veux dire, c'est une difficulté simplement de réalisation, comme on rencontre une autre difficulté, par exemple, si on rencontre une difficulté d'intervalle ou de choses comme ça. Voyez-vous ? Mais c'est une difficulté qui est très spécifique, en effet. Est-ce que ce sont deux univers cloisonnés ou bien s'il y a vraiment une intercommunication Oh, in the conception of the music, there's no problem because to me, I make no difference. Il ne fait pas de différence. Not in the writing. Ah oui, non, certainement il y a une différence. Il y a dans un côté, à mon avis, dans des partitions écrites, il y a plus d'élaboration, tout simplement. Et il y a plus d'élaboration et il y a moins de liberté laissée aux gestes instantanés, tout simplement. C'est, il peut y avoir la même texture fondamentale, si vous voulez. Mais dans un cas, on indique tous les gestes et les gestes sont réalisés avec une certaine perfection. En tout cas, à rechercher cette perfection. Tandis que dans un autre cas, il y a des musiciens qui mettent quelque chose d'eux-mêmes sur une texture beaucoup plus sommaire. Sure. Quelques précisions sur le titre de la partition qui s'appelle The Perfect Stranger. The Perfect Stranger is it starts off with a major third like a doorbell. And when you listen to it, you can think of a man with a hat and an overcoat who is trying to sell a vacuum cleaner to a suburban housewife for 10 minutes. About page 4, there's a sound that's like he's dumping some dirt on her carpet, and then to demonstrate the machine. And then at the end of the piece, you get to decide whether or not she bought it. Le Perfect Stranger s'ouvre sur un accord de troisième majeur. De tierce majeur. Tierce majeur. Excusez-moi, mon incompétence. Je vous en prie. Qui est une analogie avec un marchand de vacuum cleaner, c'est ça ? Qui frappe à la porte pour vendre son matériel. Quelques pages plus loin, on ne sait pas toujours s'il l'a vendu, c'est ça ? Non, il laisse tomber de la poussière sur le sol. Il laisse tomber de la poussière sur le sol. Et à la fin, c'est à vous de décider si la ménagère a, oui ou non, acheté l'aspirateur. There are moments in the piece where the vacuum cleaner itself is the most important concept, and it has vacuum cleaner themes that are very heroic because of the chrome on the side of the appliance. Il y a des moments de la partie de la pièce où l'aspirateur est vraiment au premier plan, et il a une allure absolument héroïque. And as these heroic themes are developed, you get to penetrate inside the consciousness of the housewife as she responds to the chrome itself. Et plus les thèmes héroïques se développent, plus on peut rentrer dans la psychologie de la ménagère et de voir si elle est sensible au chrome ou pas. The quantity of the chrome and the intensity of the suction of the device itself are things that excite the housewife very much. And so when the heroic themes are developed, they become even more heroic in her imagination. La quantité de chrome est ce qui excite le plus l'imagination de la ménagère. Et au fur et à mesure que les thèmes héroïques se développent, vous avez des aperçus de sa psyché. And so it goes with advertising. Et c'est donc quelque chose qui se rapporte au concept de publicité. En conclusion à cette conférence de presse, j'ai moi-même posé une dernière question à Frank Zappa. Je lui ai demandé s'il se sentait en bonne compagnie avec Charles Ives, Carl Ruggles et Elliot Carter. Je lui ai demandé s'il se sentait dans leur filiation ou s'il les considérait comme des ancêtres respectables. Voici sa réponse. Well, I was asked a similar question by some other journalists earlier, and the answer I gave to them was we are related only by passport. On lui a posé la même question et il a répondu que la relation n'était que celle d'un passeport commun. But there is one other thing that I have in common with Ives. Mais il y a une chose qu'il a en commun avec Ives. In order for him to afford to be a composer, he had to have another job. C'est que pour se permettre de pouvoir composer, il était obligé d'avoir un autre job. One, two, three. You love me, tell me you love me, like I want you to. Tell me you love me, tell me you love me. Yeah, I love you so hard now, I'm crying for you. Don't make me lose my pride, I wanna go outside and grab a hold of you. Thank you. Grab a hold of you. Like I want you to. Tell me you love me. Tell me you love me. Yeah. I wanna feel it. Give me your love now. Let me see that. Let me see that. Frank Zappa, version rock, bien sûr, vous l'avez compris, mais ce soir, il se range du côté de la musique contemporaine sous la protection de Pierre Boulez. C'est le concert-spectacle de ce soir au Théâtre de la Ville, mais je crois qu'il n'y a déjà plus de place. C'était Instantané, Pierre Boulez et Frank Zappa, une émission diffusée la première fois le 9 janvier 1984 sur France Culture. Et tout de suite, quelques minutes de The Perfect Stranger, composition de Frank Zappa, interprétée par l'ensemble intercontemporain sous la direction de Pierre Boulez, enregistrée à l'IRCAM les 10 et 11 janvier 1984. Téléchargement et réécoute à la page des nuits sur le site franceculture.fr. Thank you.